Section 38 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 9. Les royaumes ibériques de la mort d'Alphonse X à l'union de la Castille et de l'Aragon. 1284-1474. Première partie. Les États ibériques jusqu'à la fin du XVe siècle. Par Georges Desdevises du Désert. Les rois de Castille, Sanche IV. Malgré le testament de son père, Don Sanche fut reconnu roi presque sans difficulté. Il n'avait jusqu'alors montré qu'une extrême ambition, et l'on était en droit de lui reprocher un trait honteux. Tandis qu'il commandait une flotte castillane qui surveillait le détroit de Gibraltar, 1277, il avait donné à la reine sa mère l'argent que le roi lui envoyait pour ravitailler ses vaisseaux, et la flotte castillane avait été vaincue par l'escadre d'Abou Youssouf, émir du Maroc. Alphonse X s'en était pris à son trésorier infidèle, Zac de la Maléa. Elle avait fait pendre, devant la demeure de l'infant, qui n'avait pas osé prendre sa défense. Devenu roi, Don Sanche ne se montra guère plus loyal. Il fit tuer, en pleine Cortés, Lope Díaz de la Haro, dont la veuve se réfugia en Aragon. Il faillit avoir une guerre dangereuse avec le roi de ce pays. Il eut à réprimer une insurrection fomentée par son frère Don Juan. Il ne put s'emparer d'Algésiras sur les morts, et quand il mourut, 26 avril 1295, il ne laissait à son fils Ferdinand IV, âgé de 9 ans, qu'un royaume ruiné et déchiré par les factions. Ferdinand IV. L'histoire de la minorité de Ferdinand IV n'est qu'une longue rivalité entre les puissantes maisons de Haro et de Lara, les infants Don Juan et Don Enrique, oncle du roi, la reine-mère Marie de Molina et les infants de la Cerda, soutenus par les rois de Portugal et d'Aragon. La paix finit par se rétablir, Don Alonso de la Cerda abandonnant tous ses droits, moyennant une rente de 500 000 maravedis. Le roi, libre de ses mouvements, reprit la guerre contre les morts, mais, trahi par son oncle Don Juan, il n'emporta que la ville de Gibraltar. Il mourut le 7 septembre 1312. Alphonse XI. Son fils Alphonse XI n'avait qu'un an. Les parties se reformèrent aussitôt, et pendant 20 ans, les Lara et les Haro, la mère et la grand-mère du roi, ses oncles et grands-oncles, l'Adelantado, gouverneur de Murcie, Don Juan Manuel, Don Juan el Tuerto et Fernand de la Cerda se disputèrent le pouvoir. Alphonse XI finit par ressaisir l'autorité et signala son règne par une brillante victoire, remportée sur les morts, au Rio Salado, 1340. Plus de 200 000 guerriers infidèles, au dire des chroniqueurs espagnols, restèrent sur le champ de bataille, et les villes d'Alcalá la Real, Priego, Benamérí et Algésiras tombèrent aux mains du vainqueur. La journée du Salado ne devait être encore qu'un glorieux épisode entre deux guerres civiles. Une crise plus terrible que toutes celles que la Castille avait subies jusqu'alors allait éclater. Pierre le Cruel. Alphonse XI s'était épris d'une dame noble, Léonore de Guzman, qui lui avait donné 9 fils et 1 fille. À peine fut-il mort, 27 mars 1350, que sa femme, Marie de Portugal, et son fils Pierre cherchèrent à se venger de Léonore et de ses enfants. Léonore, enfermée à l'Alcazar de Talavera, ne tarda pas à périr. Ses fils furent réduits à se cacher dans les Asturies. Pendant 19 ans, 1350-1369, Pierre, le Cruel, fit peser sur la Castille la plus épouvantable tyrannie. Il s'empara de la Biscaye à la mort de Don Juan Núñez de Lara, dont il voulut faire tuer le fils âgé de 3 ans, et dont il emprisonna les deux filles. Garcilaso de la Vega, Adelantado de Castille et Ami de Lara fut tué à coups de masse en plein palais royal. La reine Blanche de Bourbon, à peine arrivée en Castille, fut internée par ordre de Pierre à Arevalo et transportée ensuite à Tolède, où son mari chercha à la faire empoisonner. Le roi donna toute sa faveur à Marie des Padilles, puis à Jeanne de Castro, qui ne fut reine de Castille que pendant 24 heures. Meurtrier de son frère, Don Fadrique, assassin du roi de Grenade, son hôte, qu'il fit massacrer avec 35 chevaliers morts, Pierre voulut encore chercher querelle au roi d'Aragon. Mal lui en prit, car le roi d'Aragon ouvrit ses états à Henri, Enrique de Trastabar, fils de Léonore de Guzman. Celui-ci prit à sa solde les grandes compagnies françaises commandées par du Guesclin et se fit reconnaître roi de Castille. 5 avril 1366. Pierre sut, il est vrai, intéressé à sa cause le prince noir, gouverneur de Guyenne, qui lui promit aide et secours contre son frère. « Par Saint-Georges, en qui je crois, dit le prince, je rendrai Espagne au droit héritier. Néja bastard n'entendra que vaille un seul denier, et ad ceux dussent bergarder tous princes et barons, car autant leur en pantonner. » 23 septembre 1366. Henri de Trastamare fut battu à Narrera, Navarrette, 3 avril 1367, et Pierre un moment rétabli. Celui-ci ne put remplir fidèlement toutes les promesses qu'il avait faites au prince anglais, qui tomba malade et retourna en France. Du Guesclin obtint sa mise en liberté et vint rejoindre Henri, qui était déjà rentré en Castille, par Calahorre, avec la connivence du roi d'Aragon. Pierre n'eut pour allié que les Juifs et le roi de Grenade, qui lui donna 35 000 soldats. Le 14 mars 1369, la bataille décisive s'engagea dans la plaine de Montiel. Les génétaires grenadins ne purent tenir devant la chevalerie bretonne de Du Guesclin. Pierre, vaincu, se retira dans le château de Montiel, tomba peu de jours après dans un guet-apens, et, après une rixe terrible avec son frère Henri, eut la tête tranchée par un écuyer dont il avait autrefois fait périr le père. En lui s'éteignit la maison royale de Bourgogne, qui régnait en Castille depuis Alphonse VII, fils de la reine Urraca. La Castille sous la maison de Trastamare. La Castille, partie principale de la péninsule, dont elle comprenait les 3/5, ne trouva pas sous le gouvernement des princes de Trastamare le repos dont elle avait besoin. De 1369 à 1468, elle traversa une des périodes les plus troublées de son histoire. Henri II, 1369-1379, premier roi de la maison de Trastamare, dut reconnaître les services de ses partisans par des largesses extraordinaires qui lui valurent, il est vrai, le surnom de Magnifique, El de las Mercedes, mais qui épuisèrent presque complètement le trésor royal. Son fils, Jean Ier, 1379-1390, essaya de conquérir le Portugal et fut complètement battu à Abjubarrota, 1385. Il mourut du chagrin que lui causa sa défaite. Henri III le Dolent, 1390-1406, tenta de remédier aux maux dont souffrait le royaume. Mais sa mort prématurée l'empêcha de réussir dans cette tâche. Il laissa la couronne à un enfant de 2 ans, Jean II, 1406. Jean II, roi de Castille. Jean II, 1406-1454, régna d'abord sous la tutelle de son oncle Ferdinand, roi d'Aragon, et ne sut jamais s'affranchir du joug de ses favoris. Après la mort du roi d'Aragon, 1416, deux partis se disputèrent le pouvoir en Castille, les fils de Ferdinand, Alphonse V, roi d'Aragon, Jean II, roi de Navarre, Henri, grand maître de Saint-Jacques, prétendirent gouverner le roi et le royaume, comme l'avait fait leur père. De son côté, le roi de Castille donna sa confiance à Don Alvaro de Luna, qu'il créa comte et connétable. Les princes aragonais et le connétable se firent la guerre pendant près de 30 ans, sans que le roi de Castille ait jamais réussi à se faire obéir dans son royaume. L'insolence des deux parties était égale. Henri d'Aragon contraignait Béatrice de Castille, sœur du roi, à l'épouser. Jean d'Aragon s'empara de la personne du roi et le retint pendant plusieurs mois prisonnier. Le connétable confisqua à son tour tous les domaines des princes aragonais en Castille et joua le rôle d'un vizir absolu. La noblesse se divisa entre deux camps, au gré des intérêts particuliers et des caprices des seigneurs. Les villes, à chaque instant menacées, formèrent des ligues défensives, hermandades, pour la conservation de leurs privilèges. Elles ne reconnaissaient plus aucune autorité. Elles fermaient leurs portes au roi lui-même. Lorsque, de Guerlas, on réunissait les Cortés, l'anarchie se retrouvait au sein de ces assemblées. Les partis s'y balançaient les uns les autres et leur perpétuel conflit rendait toute solution impossible. Au cours de la lutte, le roi d'Aragon se désintéressa des affaires de Castille pour aller conquérir le royaume de Naples, 1442. Le grand maître de Saint-Jacques mourut en 1445, mais le roi de Navarre, resté seul, ne cessa de combattre le connétable. Deux fois on crut la paix faite. En 1430, les princes aragonais signèrent un traité qui leur enlevait tout droit d'intervenir dans les affaires de Castille. En 1440, le roi de Navarre maria sa fille aînée, Blanche, au prince des Asturies et parut se réconcilier sincèrement avec Don Alvaro, mais la guerre recommençait toujours après quelques mois de trêve. En 1451, Don Alvaro et le prince des Asturies suscitèrent contre le roi de Navarre son propre fils, Don Carlos d'Aragon, prince de Viane. La guerre civile s'étendit à la Navarre et la déchira pendant plus de 40 ans. 1445-1496. La Castille sous Henri IV. Henri IV, 1454-1474, fils et successeur de Jean II, était un prince humain et généreux, mais capricieux et inappliqué. Corrompu dès sa première jeunesse, il avait perdu toute énergie et toute virilité. Son impéritie lui enleva toute autorité et tout crédit. Ses mésaventures conjugales le rendirent la fable de l'Espagne. Après 14 ans de mariage, il n'avait point d'enfant de sa femme Blanche de Navarre. Il fit prononcer son divorce pour cause d'impuissance réciproque due à une influence maligne, et épousa Léonore de Portugal. Au bout de 7 ans d'union, la reine donna le jour à une fille, Jeanne, que les Cortés reconnurent comme légitime héritière du royaume. Mais les grands lui attribuèrent pour père Bertrand de la Cueva, dont la faveur soudaine avait excité leur jalousie, et le peuple n'appela bientôt plus la princesse que la fille de Bertrand, la Beltranera. En 1463, les nobles de Castille se soulevèrent et prirent pour chef Don Juan Parquero, marquis de Villena, ancien favori de Henri IV, et Don Alonso Carrillo, archevêque de Tolède. Ils déposèrent Henri IV en effigie sur la grande place d'Avila et proclamèrent roi de Castille son jeune frère Alphonse. Henri IV marcha contre les rebelles, les battit à Olmedo et, une fois vainqueur, leur donna satisfaction sur tous les points. La reine de Castille fut honteusement chassée de la cour, la princesse Jeanne enfermée dans un couvent, et Don Alphonse reconnu comme héritier légitime de la couronne. Un an plus tard, le roi se brouilla de nouveau avec son frère, rappela sa femme, fit attester par deux évêques son aptitude à procréer, jura devant les Cortés que Jeanne était bien sa fille, et la fit proclamer princesse des Asturies. La mort d'Alphonse sembla lui donner définitivement gain de cause. Les seigneurs rebelles, se jugeant trop compromis, offrirent alors la couronne à Isabelle, sœur d'Alphonse et de Henri. Isabelle refusa le titre de reine, mais accepta celui de princesse héritière de Castille. Henri IV tenta de défendre contre sa sœur les droits de sa fille, se lassa bientôt de la lutte et alla lui-même trouver sa sœur au monastère de Guisando. Une entente complète parut s'établir entre le roi et la princesse. Henri IV rentra dans Ségovie en tenant la bride de la haquenée d'Isabelle. 1468. Les rois d'Aragon, expansion dans la Méditerranée. Pendant que la Castille luttait ainsi péniblement contre l'anarchie intérieure, l'Aragon faisait de grands progrès, non que les luttes civiles et les guerres de parti y fussent inconnues, mais le sens politique des peuples catalans et aragonais trouvait promptement un modus vivendi acceptable, et l'ordre ne tardait pas à renaître dans le pays. En outre, l'Aragon eut la chance d'avoir, du XIIIe au XVe siècle, un certain nombre de rois qui gouvernèrent de la manière la plus habile. Alphonse III, successeur de Pierre III, signa avec le roi de France et le pape le traité de Tarascon, 1291, qui laissait la Sicile à l'Aragon. Jaime II dut abandonner la Sicile au pape, traité d'Anagni, 1295, mais les Siciliens refusèrent de se soumettre et prirent pour roi Frédéric, troisième fils de Pierre III. La maison d'Aragon continua à régner en Sicile. D'autre part, Jaime II força les Génois à se reconnaître ses vassaux pour la Corse et conquit la Sardaigne. L'Aragon tendait à devenir une grande puissance maritime. Les Baléares, qui avaient, comme la Sicile, leur dynastie particulière, rentrèrent sous la domination directe de l'Aragon vers le milieu du XIVe siècle. Pierre IV, le cérémonieux, accusa de trahison son beau-frère Jaime II, roi de Majorque, et le détrôna, 1343. Le malheureux roi tenta de rentrer en possession de son royaume et fut tué dans la bataille, 1349. Pierre IV lui avait extorqué par ruse le Roussillon tout entier et le roi de France lui avait acheté la seigneurie de Montpellier. La Sicile ne fit retour à l'Aragon que beaucoup plus tard, à l'extinction de sa dynastie nationale. Martin, roi d'Aragon, maria son fils, appelé Martin comme lui, à l'héritière de Sicile, dernière descendante de Frédéric d'Aragon. Les deux rois moururent à un an de distance. 24 juillet 1409, 31 mai 1410, sans laisser de postérité. L'Aragon sous les rois de la maison de Castille. Les députés d'Aragon, Catalogne et Valence, réunis au nombre de 9 à Caspé, se prononcèrent après 3 mois de délibération en faveur de l'infant de Castille, Ferdinand, qui hérita de toutes les couronnes d'Aragon et des royaumes de Majorque, de Sardaigne et de Sicile. La puissance aragonaise était arrivée à son apogée. L'Aragon comprenait un tiers de l'Espagne continentale et dominait tout le bassin occidental de la Méditerranée. Les rois de Navarre, avènement de la maison de France. L'histoire de Navarre ne ressemble en rien à celle des autres pays espagnols. Le Portugal, la Castille, l'Aragon avaient des conquêtes à faire sur les Maures. La Navarre n'en avait plus et ne pouvait même songer à s'agrandir aux dépens de ses voisins chrétiens, car la Castille et l'Aragon étaient trop puissants pour pouvoir être facilement entamés. Et si quelque guerre heureuse eût donné à la Navarre quelques morceaux du Béarn ou du Bigorre, une acquisition territoriale de ce genre n'eût rien ajouté à la force de la Navarre, parce que Béarnais et Bigorrans étaient déjà trop attachés à leur loi pour les changer et seraient demeurés en dehors du royaume navarrais. Les pays conquis eussent été des annexes et non des provinces de la Navarre. Ramassée ainsi sur elle-même, séparée de la mer, réduite à un petit territoire de 12 000 km², la Navarre eût certainement disparu, victime des convoitises castillanes ou aragonaises, si elle n'avait trouvé dans ses dynasties étrangères la force de résistance qui lui manquait. Les rois de Navarre de la maison de Champagne étaient grands seigneurs en France. Thibaud II, 1250-1270, épousa la fille de Saint-Louis. Henri le Large, 1270-1274, une princesse de la maison d'Artois. La Navarre ne fut point attaquée pendant leur règne. Mais lorsque Henri le Large mourut, 1274, laissant pour héritière une fille âgée seulement de quelques années, les factions s'agitèrent et l'on vit qu'à côté du parti national, qui acclamait l'héritière légitime, il y avait déjà en Navarre un puissant parti qui se prononçait pour l'annexion du royaume à la Castille. La reine douairière, Blanche d'Artois, se plaça sous la protection du roi de France, Philippe le Hardi, et la Navarre ne devint pas castillane, mais française. La petite Jeanne, reine de Navarre, épousa le prince Philippe de France, 1285, notre Philippe le Bel. Eustache de Beaumarchais mit à la raison les gens de Pampelune, qui ne voulaient pas d'un roi français. De 1283 à 1328, de Philippe le Bel à Charles le Bel, la Navarre et la France eurent les mêmes souverains. La Navarre sous la maison d'Évreux. En 1328, les Navarrais refusèrent de reconnaître Philippe VI de Valois, le fouère au général, reconnaissant expressément aux femmes le droit de succession. Philippe céda la Navarre à Jeanne II de France, fille de Louis le Hutin et épouse de Philippe d'Évreux. La Navarre sembla recouvrer son indépendance. Cependant, ce ne fut encore qu'en apparence. Les rois de Navarre de la maison d'Évreux avaient en France de vastes domaines, Asnières, Beaumont-sur-Oise, Mantes, Évreux, Beaumont-le-Roger, Pont-aux-deux-Mers, Mortain, le Cotentin, Cherbourg. Leur grande ambition fut toujours d'étendre leur domaine et leur autorité en France. Charles II le Mauvais, 1349-1387, songea peut-être à se faire roi de France. Son fils, Charles III le Noble, 1387-1425, fut encore attiré en France par l'espoir d'obtenir une compensation pour les domaines que son père avait perdus. Il obtint en effet, en 1404, le duché de Nemours et de grosses sommes d'argent. On le voit, même après cette date, reparaître souvent à la cour de Charles VI. Il y fait de longs séjours, il reste presque jusqu'à sa mort, 1425, ce qu'ont été son père et son aïeul, un grand seigneur français. L'histoire de la Navarre est donc sous ses princes toute extérieure et toute française. Elle vit d'une vie factice et d'emprunt. Ses institutions mêmes lui viennent souvent de France. Par cela aussi et par l'importance de sa population de langue basque, elle est le moins espagnole de tous les royaumes d'Espagne, comme elle en est le plus petit. La Navarre sous la maison d'Aragon. Le droit des princesses royales à succéder à la couronne, à l'exclusion des collatéraux mâles, fit qu'après l'extinction de la dynastie originelle, la couronne, par des mariages, passa jusqu'à 6 fois en des maisons étrangères, et cela dans l'espace de 245 ans. En 1234, la fille de Sanchez VII avait épousé Thibaut de Champagne. En 1285, Jeanne Ière, fille de Henri Ier, avait épousé Philippe de France. Nous avons vu comment se fit l'avènement de la maison d'Évreux. Celle-ci, après 3 règnes d'hommes, aboutissait encore à un héritage féminin. Blanche, fille de Charles le Noble, faisait roi un prince d'Aragon, Jean, 1425. Cette dynastie ne donna qu'un seul règne d'homme, celui de ce Jean. D'abord en association avec sa femme, 1425-1441, puis seul, 1441-1479, se maintenant sur le trône à la fois contre les protestations de son fils, Don Carlos de Viane, et de sa fille Léonore, mariée à Gaston IV de Foix. Le prince de Viane, fils de Jean d'Aragon et de Blanche d'Évreux, devenait roi de Navarre par la mort de sa mère, 1441. Le contrat de mariage est le testament de la reine, le fuero, la coutume, les traditions navarraises, tout concourait à rendre son droit incontestable. Mais Jean prétendit conserver la couronne et ne laissa à son fils que le titre de lieutenant-général. Le prince de Viane pouvait revendiquer son trône par les armes. Mais il avait 20 ans à peine. Il avait pour adversaire son père. Il crut pouvoir temporiser. Il accepta les fonctions et le titre de lieutenant-général et s'intitula en même temps prince propriétaire, protestant qu'il n'acceptait la lieutenance que par respect pour son père. La paix se maintint pendant 10 ans entre le père et le fils, parce que Jean resta pendant 10 ans absent du royaume. Sitôt qu'il y reparut, la lutte commença et se changea bientôt en guerre ouverte. La grande maison de Beaumont, dont le chef était connétable de Navarre, prit parti pour le prince. La maison de Navarre, dont le chef était maréchal du royaume, prit parti pour le roi. Mosén Pierre de Peralta, beau-frère du maréchal, fut le grand chef de guerre de la faction royale. On donna aux partisans du prince le nom de Lusitans ou Beaumontais et celui de Gramontais aux partisans du roi. Ces noms rappelaient d'anciennes luttes entre les seigneurs de Lusa et de Gramont dans la Navarre française. En septembre 1451, le prince fut vaincu et pris à Aibar par son frère naturel, Don Alonso d'Aragon. Jean le retint prisonnier pendant 2 ans, le remit en liberté avant d'avoir traité avec lui, et la guerre recommença. Jean crut trancher la querelle en déshéritant par un acte arbitraire le prince de Vianne et sa sœur aînée Blanche, pour transporter tous leurs droits sur la couronne de Navarre à Gaston IV de Foix, époux de sa seconde fille, Léonore. Incapable de tenir tête aux forces coalisées de ses ennemis, le prince de Vianne se réfugia chez son oncle Alphonse V, roi d'Aragon, 1416-1458, conquérant du royaume de Naples. Alphonse prit en main la cause de son neveu. Un traité allait être conclu avec Jean, quand la mort inopinée du roi d'Aragon vint tout remettre en question. Par cette mort, 1458, Jean devenait, sous le nom de Jean II, roi de l'Aragon et de ses vastes dépendances. Son fils, le prince de Vianne, semblait appelé à recueillir un jour toute cette riche succession qui eut réuni dans ses mains, avec la Navarre et l'Aragon, tous les royaumes de l'Espagne fuériste. Jean refusa de reconnaître les droits héréditaires de son fils. Il lui ordonna de quitter la Sicile, l'internat à Majorque. Par une habile manœuvre, le prince vint se placer à Barcelone sous la protection des Catalans et, appuyé par eux, il réclama ses droits avec plus d'énergie que jamais. Jean le fit arrêter en pleine Cortés au mépris des lois catalanes. La généralité de Catalogne proclama le Somatent contre les mauvais conseillers du roi. Jean fut obligé de remettre son fils en liberté et de le reconnaître comme prince héritier d'Aragon et lieutenant général de Catalogne. Le prince mourut à Barcelone le 23 septembre 1461 et Jean se crut assuré du succès. Mais Navarrais et Catalans se soulevèrent à la fois contre lui. En Navarre, la résistance fut conduite par Louis II de Beaumont, connétable du royaume, qui resta maître de Pampelune et n'y laissa rentrer de roi qu'en 1493. En Catalogne, Don Juan de Beaumont, oncle de Don Louis, et précepteur du prince de Vienne, excita les Catalans à venger la mort de Don Carlos, que l'on disait empoisonné par sa belle-mère, la reine d'Aragon, Jeanne Henriquez. Les Catalans prononcèrent la déchéance de Jean et se donnèrent successivement au roi de Castille, au duc Charles de Lorraine, au roi du Portugal, au roi de France. L'infant, Don Ferdinand, se distingua dans cette lutte où le roi sut se faire des alliés avec les paysans de Catalogne, pagesos de Remensa, contre les nobles et les bourgeois des grandes villes. Barcelone n'ouvrit ses portes qu'en 1472, et Jean sut réparer par sa clémence une partie des maux qu'il avait causés par sa tyrannie et son ambition. La Navarre, sous les maisons de Foix et d'Albret. À la mort de Jean, 1479, sa fille ne régna que 21 jours. La couronne dut passer à François Phoebus de Foix, petit-fils de Léonore et Gaston IV. 1479. Cet avènement réunissait le comté de Foix à la Navarre. Cette maison de Foix était en Navarre la 5e dynastie étrangère. On en eut bientôt une 6e. Catherine, sœur et héritière de François Phoebus, porta les deux états dans la maison d'Albret par son mariage avec Jean, 1484, qui devint Jean III de Navarre. C'est sous le règne de Catherine et de Jean que devait avoir lieu le démembrement de la Navarre. Ferdinand le catholique d'Aragon conquit, en 1512, la partie située au sud des Pyrénées. La maison d'Albret à Navarre ne régna plus qu'au nord des montagnes. Navarre française, Foix, etc. En 1548, elle se confond avec la maison de Bourbon, qui deviendra en 1589 la maison de France. Déjà en 1479 et 1484, la royauté navarraise était bien faible. Quelle force pouvait appartenir au souverain après tant de changements dynastiques? Quel attachement le peuple navarrais pouvait-il avoir pour ses maîtres étrangers? La royauté, depuis la mort de Charles le Noble, avait perdu toute autorité. La nation ne s'attacha guère à des souvenirs qui la négligeaient, blessait son orgueil et sacrifiait ses intérêts au profit des autres états qu'il gouvernait. Aussi, des 6 dynasties qui se succédèrent à Pampelune depuis 1234, aucune n'eut-elle le temps de s'affermir, d'effacer entièrement son origine étrangère et d'acquérir par une politique vraiment nationale l'attachement des Navarrais. Et Boissonnade. Le royaume, après, comme pendant le règne de Jean, continuait à être déchirée en factions, sous couleur de parti dynastique, sous les noms des Beaumontais et Gramontais, les haines de clans, de provinces, de bourgs, de villes, les rivalités entre les ordres et classes sociales se donnaient carrière. Après l'installation des maisons de Foix et d'Albret, les Gramontais restèrent le parti royal. Mais le chef de l'autre faction, Louis II de Beaumont, ne désarma point. Pendant près de demi-siècle, de 1456 à 1506, il troubla le royaume par ses prises d'armes. Il était brave, ambitieux, cruel jusqu'à torturer ses prisonniers, perfide jusqu'à essayer de tuer ses ennemis au sortir de la table de communion où ils avaient scellé la réconciliation. La faction des Gramontais exploitait, pour s'enrichir, la faiblesse ou l'absence des rois, et montrait dans la guerre civile presque autant de violence et de férocité. Comme le fuero autorisait les guerres privées, le royaume fut légalement dévasté et ruiné. À la fin du XVe siècle, on ne voyait que des champs en friche et des ruines de bourgs et de villages. Lugares despoblados. La population était tombée à 80 000 âmes. Cette anarchie acheminait le royaume à la conquête étrangère, qui fut presque le salut. Réunion de la Castille et de l'Aragon. Le règne si agité de Jean II d'Aragon en Navarre n'avait pas eu pour résultat la réunion de ces deux États. Jean avait été plus heureux d'un autre côté. Il avait préparé un des plus grands événements du siècle, la réunion de la Castille, qui occupait alors les 3/5 de la péninsule, à son royaume d'Aragon, le plus puissant État du Nord. Depuis longtemps, il guettait cette succession de Castille qui, à la mort du faible roi Henri IV, devait passer à une femme. Isabelle, la sœur de Henri, était son héritière désignée depuis l'accord de Guisando, 1468. Le mariage d'Isabelle devenait la grande affaire politique de toute l'Espagne et même de l'Europe. Le roi de Portugal se mit sur les rangs malgré ses 50 ans. On songea un instant à des princes anglais, les ducs de Clarence et de Gloucester. Henri IV favorisait les prétentions du grand maître d'Alcantara. Mais deux princes se présentèrent qui parurent un moment avoir des chances égales de succès. Charles de Valois, frère de Louis XI et alors duc de Guyenne, Ferdinand, prince de Gironde et primogénite d'Aragon et de Sicile. Isabelle paraît avoir hésité entre les deux prétendants, mais on lui assura que le duc de Guyenne avait les yeux larmoyants et tournés à la cécité. Sa main droite était si enflée qu'il ne pouvait monter à cheval ni manier ses armes comme le devait un chevalier. Ferdinand, au contraire, était un cavalier accompli et les raisons politiques les plus sérieuses militaient en faveur de cette alliance. L'union de l'Aragon et de la Castille devait faire de l'Espagne une des grandes puissances de l'Europe. Dès le règne d'Alphonse IV, on rêvait en Aragon de ce mariage. En 1457, à Calahorra, la reine d'Aragon, Jeanne Henriquez, en était convenue avec le roi de Castille. Jean II ne faisait donc que reprendre les vues de son prédécesseur, mais des obstacles restaient encore à vaincre. Henri IV, brouillé avec Jean II, ne voulait pas entendre parler du mariage aragonais. Isabelle et Ferdinand, à cause de leur étroite parenté, ne pouvaient se marier sans une dispense pontificale, et il était à peu près certain que le pape Paul II ne l'accorderait point, parce qu'il avait déjà expédié les bulles pour marier Isabelle au roi de Portugal. Enfin, Jean II n'avait pas d'argent. La Sardaigne était à peine pacifiée et la Catalogne encore en pleine révolte. Le vieux roi fut merveilleux d'activité et de décision. Pour rehausser le prestige de son fils, il lui céda le titre de roi de Sicile. Pour que le prince pût épouser Isabelle, il forgea de toutes pièces une bulle de dispense dont l'évêque de Ségovie, Don Juan Arias, se chargea de soutenir la validité. Pour que le prince pût se présenter avec honneur devant l'infante et lui faire des présents vraiment dignes d'un roi, il engagea les ornements royaux chez les Juifs de Valence et se procura ainsi des joyaux estimés à 40 000 pistoles. En Castille, il trouva des alliés, Don Fadrique Henriquez, grand amiral de Castille, Don Alonso de Carillo, archevêque de Tolède. Il eut des amis jusque dans la maison d'Isabelle. Il gagna à ses intérêts Don Gutiérrez de Cardenas et Don Gonzalo Chacón, officiers de l'hôtel de la princesse. Dès le mois de janvier 1469, le contrat de mariage fut signé entre les envoyés de la princesse et les conseillers du roi d'Aragon. Mais le roi de Castille ne voulut jamais donner son consentement au mariage. Isabelle résolut alors de recouvrer sa liberté. Profitant d'un voyage du roi en Andalousie, elle sortit d'Ocaña, où le roi l'avait laissée, et se rendit à Valladolid, sous la protection des troupes de l'archevêque et de l'amiral. Septembre 1469. Un mois après, Ferdinand arrivait à Dueñas, près de Valladolid, où eut lieu sa première entrevue avec Isabelle. Et le 18 octobre 1469, l'archevêque de Tolède bénissait le mariage des futurs rois catholiques. Pendant longtemps, Henri IV refusa de reconnaître le mariage de sa sœur avec l'héritier d'Aragon. Il fit proclamer de nouveau les droits héréditaires de la Beltranera. Il essaya de la marier au duc de Guyenne. Il finit par renoncer à cette résistance désespérée. Le jour des rois, 1474, il se réconcilia avec Ferdinand et Isabelle. Il mourut peu de temps après, et les gens de Ségovie déployèrent les étendards de Castille au nom de Ferdinand et de la reine propriétaire Isabelle. Fin de la section 38.